Émission numéro 17 du 19 mars 2010. Bonjour et bienvenue à la 17e émission du podcast du volet audio des éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Avant tout, quelques brèves infos. Cathy et Fred d'Audiocité.net m'ont ouvert les portes de leur web radio. J'y animerai donc les week-ends une petite émission qui traitera de science-fiction, de fantastique et de fantasy. Allez jeter une oreille du côté d'Audiolibris.net. Au volet de notre blog, après notre passage à Montpaillard hier, nous reprendrons l'aventure de Rouletabille jeudi prochain avec le colossal chapitre 27 qui fera presque une heure et demie. Ce sera le dernier droit pour le mystère de la Chambre jaune que nous compléterons au cours des deux prochaines semaines selon la programmation de diffusion. Et maintenant, passons à cette 11e partie de l'aventure de Mazas Pavel d'André Bory. La semaine dernière, Mazas et ses compagnons se sont réfugiés chez une paysanne de Coriolan V, où ils reçurent une aide bienvenue. Voyons un peu s'ils pourront aujourd'hui prendre contact avec l'agent de l'OMU basé dans le secteur. Quelques instants plus tard, les quatre naufragés reprenaient leur route en suivant la direction de la capitale et de son astroport que leur avait indiqué la fermière. Les antigés leur permettaient un déplacement rapide et sans fatigue, mais l'obligation d'évoluer au ras du sol, en évitant villes et villages ainsi que toute rencontre avec des indigènes, était éprouvante nerveusement. Au bout de 6 heures de ce jeu de cache-cache, Mazas estima qu'ils avaient parcouru plus de 800 kilomètres et qu'il convenait de prendre un peu de repos. Ils s'engagèrent donc dans le sous-bois d'une vaste forêt d'arbres rougeâtres aux troncs épais et noueux, mais dont la cime, en forme de parasol, ne s'élevait pas à plus de 10 mètres. Voilà l'endroit idéal pour enterrer nos combinaisons et tout le matériel que nous ne pouvons pas emmener avec nous. À combien sommes-nous encore de l'astroport ? Environ 2500 kilomètres. Tu parles d'une promenade, ronchonna Corton. Estime-toi heureux, au contraire, que nous ayons atterri aussi près de l'astroport. Nous aurions très bien pu nous poser de l'autre côté de la planète. Mazas fit taire les deux amis d'un geste brusque. Puis elle porta son bracelet à l'oreille. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres, tandis que la joie illuminait son visage. Devant les trois regards interrogateurs qui la fixaient, elle annonça « Le contact est établi. »« Le contact ?»« Avec l'agent de l'OMU en poste dans le système de Coriolan. »« Wow !» Mazas demanda un peu de silence à ses compagnons avant d'entamer un dialogue dans une langue inconnue avec celui qui venait de lui envoyer un signal. Au bout de quelques instants, une réponse lui parvint dans le même idiome. La conversation fut brève, et dès qu'elle fut terminée, la jeune femme put donner les explications qu'attendaient ses compagnons avec l'impatience que l'on imagine. Sandorf, c'est le nom de notre agent, vit sur Coriolan II. Ne pouvant pas se dédoubler, il avait disposé depuis des années un relais sur Coriolan V. Relais qui lui a permis de recevoir le signal que je lui ai envoyé à notre arrivée. Alors pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour se manifester ? Parce que son relais ne fonctionne que dans un sens. Il lui a donc fallu venir sur Coriolan V pour pouvoir nous répondre. À propos de réponse, quelle était donc la langue que tu employais tout à l'heure ? La Karzassienne éclata de rire. Ça, c'est une idée d'Atlan. Pendant la Deuxième Guerre mondiale sur Terre, les Américains avaient utilisé des Indiens Navajos pour correspondre entre eux et échanger des messages que les Allemands ne purent jamais traduire.

et doté de deux paires de bras superposés. Pendant qu'il considérait les visiteurs d'un œil intéressé, il tenait dans ses mains supérieures une énorme racine qu'il mâchait avec application, tandis que ses mains inférieures fouillaient avec application dans sa fourrure pour en extraire et écraser des sortes de tiques écarlates. « Finalement, c'est plutôt pratique d'avoir quatre mains », avait fait remarquer Corton. « Si le cœur t'en dit, on fait des miracles en ce qui concerne les greffes à l'heure actuelle. » Mais quant à moi, je te suggérerais plutôt de te faire poser deux tentacules comme ceux de l'ami Arx. Lui avait rétorqué son ami, faisant ainsi allusion à sa gaucherie bien connue pour tout ce qui ne touchait pas aux astronefs. Seul un haussement d'épaule exaspéré lui avait répondu. Depuis quelques instants, l'attention de l'antilan avait été attirée par un scintillement dans le coin droit, en haut de l'écran, lors du passage balayant des ondes radar. Un de ses pseudopodes se posa sur l'épaule de Sandorf. Oui? Il observa ce que lui désignait Arx, et un juron s'échappa de ses lèvres. Instantanément sur le qui-vive, Mazas s'interrogea du regard. Si je ne trompe pas, voilà les ennuis qui commencent. Comment ça? Nous allons avoir la visite de la police coriolanaise. Ah, et que comptez-vous faire? Il s'agit sans doute d'une vérification de routine. Mais vous auriez intérêt à aller tout de suite vous cacher dans les cages que je vous ai indiquées tout à l'heure. Les policiers n'iront pas y fouiller. Et si vous restez tranquille, tout va bien se passer. Et s'il y a un anti avec eux? Alors là, les choses se corseraient sérieusement. Mais il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Espérons-le. Steve fixa intensément Mazas, et ce qu'elle lut dans ses yeux était tout à fait explicite. Pouvait-il se livrer ainsi, pieds et poings liés à la merci des deux chasseurs? Elle lui rendit son regard, plissa les lèvres en une moue embarrassée et hocha la tête affirmativement. Malgré sa méfiance naturelle, elle continuait à se fier au correspondant de l'OMU. Et en plus, il n'avait guère de choix car l'engin qui les transportait n'était nullement taillé pour s'opposer à ceux de la police. Alors... Après avoir vérifié qu'il ne laissait rien dans le poste de pilotage susceptible de les trahir, la jeune femme et ses compagnons se dirigèrent vers leur cachette. Tandis que le chasseur et Arx maintenaient les animaux au fond de leur cage, ils se glissèrent dans les étroites cavités dont la trappe d'accès était dissimulée sous un tas de fourrage ou de litière, tout en jetant des regards suspicieux aux locataires dont ils allaient partager l'intimité. Lorsqu'ils furent enfermés, et les panneaux recouverts, les animaux purent reprendre possession de la totalité de leur prison. Sandorf s'assura du regard que rien ne pouvait révéler la présence des fugitifs, puis retourna aux commandes de son appareil, suivi de l'octopode. Dans le noir, tassé dans le petit logement en forme de parallélépipède, Mazas ne put s'empêcher de penser que leur cachette pourrait se transformer en un piège mortel dont ils n'auraient aucune chance de se sortir en cas de découverte par les policiers ou de trahison par Sandorf. Cette dernière possibilité lui taraudait à tel point l'esprit qu'elle décida subitement de quitter ce qu'elle commençait presque à considérer comme un cercueil. Advienne que pourra. Mais il lui fallut rapidement déchanter car la trappe ne se souleva pas lorsqu'elle tenta de la faire basculer. Soit un verrou avait été tiré, ce qui augurait plutôt mal de la suite de leur aventure, soit, plus rassurant, l'animal qui occupait la cage, une sorte d'hippopotame à fourrure et au museau allongé, était venu s'installer sur sa litière et son poids suffisait à verrouiller hermétiquement le panneau d'ouverture. De toutes ses forces, elle priait pour cette seconde éventualité. Les bruits extérieurs lui parvenaient très assourdis, presque inaudibles, et elle ne pouvait que chercher à deviner ce qui se passait, ce qui ne contribuait pas à lui rendre sa sérénité. Un choc, puis un mouvement brutal ascendant, lui fit comprendre que le vaisseau de la police venait de jeter un grappin magnétique sur le véhicule et l'attirait à lui. Le fait qu'il ne se soit pas contenté de l'accoster après l'avoir fait stopper n'était pas bon signe. le danger imminent lui rendit tout son sang-froid et elle se mit à échafauder toutes les hypothèses, pesant le pour et le contre. Mais elle dut bien vite s'avouer que s'ils étaient découverts, ils n'auraient guère de possibilité de se défendre, coincés comme ils l'étaient dans leur cavité. Elle se prit à regretter de ne pas avoir insisté pour qu'ils se réfugient dans la soute arrière, où ils auraient au moins eu la possibilité de se défendre, ne fût-ce que pour un barreau d'honneur. Un nouveau choc lui apprit que les deux engins étaient côte à côte. Dans quelques instants, les policiers monteraient à bord, fouilleraient partout après avoir vérifié les identités de Sandorf et de son ami extraterrestre. S'il s'agissait d'un contrôle de routine, ils avaient peu de chances d'être découverts, mais la façon plutôt brutale de procéder à l'interpellation laissait supposer qu'ils planaient au moins des soupçons sur les deux chasseurs. L'oreille tendue au maximum pour tenter de saisir quelques paroles qui lui apprendraient si les policiers suspectaient leur présence à bord de cette ourque blindée, Mazas ne perçut qu'un murmure confus et inintelligible, interrompu par un cliquetis le long des barreaux des cages. Ce bruit répété et strident fut suivi d'un concert de beuglements, de sifflements et de cris divers poussés par les pensionnaires du zoo. Sans doute un imbécile qui s'amuse à exciter les bêtes en faisant cogner la crosse de son arme le long des barreaux, supposa-t-elle. Soudain, elle se rendit compte que le silence le plus complet régnait au-dessus de sa tête. Elle n'eut guère le temps de se demander quelle en était la cause. Brutalement, la trappe qui fermait sa cachette fut soulevée et elle se trouva confrontée avec le canon menaçant de plusieurs désintégrateurs. « Allez, sors de là !» La rage au cœur, elle se redressa avec quelques difficultés, les muscles ankylosés par leur longue immobilité. Un des policiers, couvert par les armes de ses collègues, entreprit de la désarmer. Il lui dégrafa son ceinturon et entreprit de la palper avec un sourire grillard pour vérifier qu'il ne cachait rien sur elle. « Bas les pattes, gros porc !» s'écria-t-elle en lui assénant une gifle retentissante. Le policier recula de deux pas et son visage s'empourpra de colère. « Tu vas voir, espèce de... »« Ça suffit !» Mazas se retourna et aperçut un homme de haute taille, au visage ascétique et au regard glacial, enveloppé dans une sorte de chasuble orangé. Auprès de lui, Sandorf, l'air absent. Et voilà. Les interprètes pour cette 11e partie sont K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Christophe dans le rôle de Stevomir Ersing, Kael dans le rôle de Corton Nagez, Fred dans le rôle de Goral Tosef, Kael dans le rôle de Sandorf, Mario Fecto dans le rôle de Mulgo Nahal et moi-même dans le rôle de Ax et à la narration. L'histoire et la majorité des personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. L'enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2008 des éditions de l'Avenir. Toutes nos productions sont disponibles gratuitement sous forme d'audiobooks ou d'audiodrama via notre blog à l'avenirradio.canalblog.com. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.